Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus de Décennies, anciennement 80s le podcast. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir un camarade podcasteur, à savoir Maxime du podcast Harry Cover. Bonjour Maxime. Bonjour Mikado. Comment vas-tu cher ami? Eh ben écoute, très bien, ravi de l'invitation, merci. Plaisir partagé parce que le sujet oblige. De quoi va-t-on parler Maxime aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on va parler de reprises, puisque c'est un petit peu l'angle que j'attaque et que j'aborde dans mon podcast. Et ouais. On va parler des reprises de titres des années 80. Ah, donc on est complètement dans le sujet alors. On est complètement dans le sujet, complètement. Alors, instant promo, est-ce que tu peux nous évoquer pourquoi aujourd'hui j'ai le plaisir de te recevoir? Quel type de podcast tu proposes? Alors, pour faire simple, alors l'émission, c'est un jeudi sur deux où à chaque fois j'aborde un morceau. Alors, c'est souvent sur la sphère rock, on va dire, mais pas que. Là, j'ai fait trois épisodes sur du métal. Ah, tu me fais plaisir. Où à chaque fois, je prends un titre qui est plutôt connu et je vais évoquer une reprise par un artiste qui est souvent moins connu. Alors, l'idée de la reprise, c'est pour parler musique, mais c'est aussi pour parler d'artistes, qui sont parfois peut-être un peu moins connus et que j'ai envie de mettre en avant. Et à date, il y a déjà, hier est sorti l'épisode 34, donc il y a déjà de quoi faire. Ouais. Alors ça, je te l'ai déjà dit en préparant l'émission, moi j'ai un profond respect pour les podcasteurs qui font des programmes seuls, parce que c'est un vrai exercice de style. Tu m'avais dit quand on a eu l'occasion de se prendre un petit café ensemble que t'écrivais tout, que tu préparais tout en amont. Moi j'en suis parfaitement capable. Sache-le, heureusement que quand je fais des émissions, j'ai toujours un copain qui me rattrape parce qu'il voit que je commence à ramer et du coup ça permet de faire un réel échange. Mais j'ai un profond respect pour les personnes qui font des choses seules. Et en plus, c'est pour cela que je me suis permis de te contacter. J'aime beaucoup ce que tu fais. Eh ben, voilà, je te remercie. Bah, pour le coup, moi, c'est la première fois que je ferai un truc à plusieurs, parce que c'est vrai que d'habitude, je suis tout seul avec mon calepin, mon micro. Donc du coup, c'est bien, ça change. Et puis, c'est une chouette expérience pour moi, pour le coup. Ouais. Bon, attention, on va passer 18 plus, là. Le sujet du jour, c'est donc les bonnes reprises de morceaux ayant pour origine les années 80. Maxime, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter les podcasts de Décennies, mais avec mon camarade Il n'y a pas eu Wiz, des bonnes choses, ouais. Il y a eu des trucs, rappelez-vous, les reprises de Le Normand qui chante Top Gun, Sylvie Vartan qui chante du Survivor, Mireille Mathieu qui chante du Barbara Streisand, une femme amoureuse. Voilà, donc j'avais à cœur, Wiz n'étant pas présent aujourd'hui, d'avoir un professionnel du métier qui nous évoque... Les bonnes reprises. Alors, on va commencer tout de suite par ton choix. Quel titre tu souhaites nous évoquer, Maxime? Alors, le premier morceau que je voulais aborder, c'est une chanson qui remonte à 1987 d'un groupe que j'aime beaucoup, qui est mondialement connu, c'est Depeche Mode, avec le morceau « Never Let Me Down Again ». Donc c'est un gros tube, Never Let Me Down Again, sur l'album Music for the Masses en 87, et pour le coup c'est l'album qui va les faire changer de planète, de dimension, avec le rang vraiment de star international. T'en penses quoi, toi, déjà, de cette chanson, de l'original ? Ah bah moi, Depeche Mode, je pense qu'on aura l'occasion de distiller un petit peu le nom du groupe, mais moi, je suis extrêmement fan, hein, en tout cas. Bon, super. Et quelle est la reprise, du coup, que tu nous as sélectionnée ? Alors, et pourquoi ? Pour la reprise, on part en 94. Alors, c'est un groupe où je suis pas forcément fan à la base. C'est les Smashing Pumpkins qui ont repris ce titre-là. Pour la petite histoire, j'ai déjà abordé moi ce morceau dans le deuxième épisode de mon podcast, et c'est un morceau que j'aime vraiment vraiment beaucoup, parce que déjà c'est ce que j'appelle moi une reprise originale, dans le sens où c'est pas simplement un copier-coller, c'est un petit peu ce que je m'évertue à faire moi dans mon podcast, c'est de proposer des covers qui sortent un petit peu de la version originale, tout simplement. Oui, et donc, qui pourrait être un morceau original à part entière, en fait. Exactement. Donc ouais, là, je suis d'accord avec toi. Sur la version des Smashing Pumpkins, on reconnaît immédiatement, on reconnaît, on va dire, dans les 15 premières secondes, le petit riff qui va bien de la chanson de Depeche Mode, mais ils apportent vraiment beaucoup plus de douceur. Là où la chanson originale, c'est vraiment un hymne de stade, Never Let Me Down Again, pour les Depeche Mode, avec des gros claviers très typés années 80, forcément. Oh oui. Smashing Pumpkins vont transformer un petit peu ça, il y a beaucoup de douceur, avec une petite ligne de guitare, la batterie, elle est plus du tout martiale, c'est juste un petit rythme qui rebondit. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Alors, je suis fan de Depeche Mode à la base, et ce qui prouve que c'est un groupe qui a une véritable passerelle entre tous les différents styles. C'est-à-dire que Smashing Pumpkins, quand on écoute leurs albums, on est quand même très très loin de ce que fait Depeche Mode. Depeche Mode, c'est un groupe qui va être adoré aussi bien par les fans d'électro, aussi bien par les fans de métal ou les fans de rock. Et c'est ce que j'aime bien chez Depeche Mode et dans la relecture des Smashing Pumpkins. Ok, donc on s'écoute évidemment la reprise des Smashing Pumpkins. Me concernant, c'était Dis-moi. Une découverte. Évidemment, j'avais découvert parce que j'avais écouté ton podcast. Alors, je suis un peu partagé parce que Depeche Mode, moi, c'est un groupe que j'aime d'amour. Et bien que le morceau des Smashing soit très très propre, j'avoue que j'ai du mal à dissocier en fait le fait que c'est. C'est une autre proposition que. Oui. que Donc le morceau, je le trouve très bien, mais j'arrive pas à passer outre le fait que ce soit du Depeche Mode à la base. Ok. Alors après, ce qui est très particulier aussi, c'est la voix du chanteur. Hein. Il a une voix assez nasillarde, Billy Corgan, c'est un peu freiné. Ouais. Du coup, toi, qu'est-ce que tu me proposes alors ? Alors, moi, je vais te parler... Alors là, on est en 1980, et je vais donc vous parler du groupe Visage, qui nous chante la cultissime chanson « Fade to Grey ». Devenir gris. Alors, bon, pour faire un petit laus rapidement sur le groupe, en fait, c'est le second single du groupe et le plus grand succès de Visage. Faut savoir qu'il devient un hit majeur dans les dance floors et se classe 8e dans les charts britanniques et numéro 1 en Allemagne et en Suisse. Après ces discussions ou pas, mais il contribuera à populariser donc, la musique synth-pop au début des années 80. Alors c'est assez drôle parce que quand je lis Fade to Grey de Visage, comme ça je te dis non c'est une chanson que je connais pas. Et tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça et je Absolument. Pense que les deux premières secondes j'ai dit mais oui évidemment je connais. Alors, c'est une chanson que j'aime bien. Il y a un vrai, je trouve, côté... alors, ça sonne très années 80, mais évidemment. Hein, Oui. Mais moi, j'aime beaucoup le côté hypnotique des claviers. Oui. Mais voilà, il y a ce côté hypnotique que j'aime assez. Alors après, le groupe, ils ont fait d'autres choses que ça. Bah, malheureusement, c'est un peu le problème de ce genre de groupe, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle, tu sais, un one hit wonder. Et on connaît rien d'autre. Okay. C'est triste, ça se trouve, ils ont de très très bonnes productions, mais ce morceau est tellement au-dessus de tout ce qu'ils ont pu faire, que ça occulte toute leur production suivante. Après, je pense que c'est un morceau qu'on a beaucoup entendu dans des pubs ou dans des musiques de fond de générique. Enfin, c'est un truc que tout le monde connaît, clairement. Ah, moi, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, non, très mais sympa. Quand tu regardes un peu leur disco, tout est axé sur ce fameux titre. Hein, tu sais, les remixes, les machins, oui. Le best-of Fate to Great, avant même Visage, tu vois. Enfin, bref. D'accord. Et donc, okay. Alors là, on change complètement de registre. On est en 2008 et c'est le groupe Atrocity qui nous fait, n'ayons pas peur des mots, une reprise un peu plus bourrine. Une valise à ses côtés, deux yeux fixes et froids, montre de la peur lorsqu'il se tourne pour se cacher. Alors Maxime, je vais te faire une petite confidence. Je sais que t'es un peu des fois embarrassé quand on parle dans tes émissions. Moi, le métal, c'est un genre que j'adore. Et je suis tombé dessus par hasard, parce que je fais vraiment un petit coucou à mon ami Tosmo, qui est un métalleux, qui m'avait, je sais plus pourquoi, au détour d'une conversation, proposé le titre. Et alors en fait, Atrocity, c'est un groupe de death metal allemand. Ah oui, ok. Ça nous met un programme. Et qui est disponible sur l'album Werk 82, qui est donc leur second album de reprise. On peut y découvrir des covers des Bronski Beat, de Tall Talk et même de AA. Alors, en toute sincérité, bien que magnifiquement illustré de photos d'une certaine Dita Van Tees, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. L'album est une franche déception, parce que je me suis dit, on est complètement dans le thème du jour et c'est pas bien, quoi. Tu sais, c'est pas. Okay. Néanmoins, ce titre, je sais pas, je crois que je le préfère presque à l'original, parce que contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur Depeche Mode, là je dissocie complètement les deux morceaux, tu vois, les deux groupes. Oui. Alors je suis curieux d'avoir ton avis, parce que pour vous raconter un peu les coulisses, on s'est rien dit avec Maxime, vous allez voir, il y a peut-être des trucs... On sera pas d'accord, il y a un moment on sera pas d'accord. Et c'est le but, si t'aimes pas, si tu trouves ça vraiment détestable, au contraire, dites-le, et puis dites-le aussi les auditeurs, parce que j'ai pas le monopole du bon goût. Alors après, avant de l'écouter pour la première fois, je dois t'avouer que j'avais un peu peur, dans le sens où souvent... des groupes de métal un peu violents, entre guillemets, reprennent des groupes des années 80. Souvent, ça peut être un peu caricatural, j'en ai déjà parlé dans mon émission. Mais ça l'est un petit peu. Hein, ça l'est, mais je trouve que l'intro, c'est bizarre, parce que l'intro du morceau, moi, m'a fait penser à du néo-métal, ça m'a rappelé certains morceaux de Korn à l'époque. Ah oui. Le refrain, qui est beaucoup plus gothique, moi, m'a amené vers des groupes type Paradise Lost ou toute cette genre de mouvance-là. Et clairement, j'ai vraiment beaucoup aimé la reprise. Oh, alors que quand j'ai vu le nom du groupe Atrocity, je dis oula, ça doit être du black metal norvégien, c'est pas forcément ma cam. Mais j'étais moi-même le premier surpris, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Tant mieux, parce que malheureusement, comme je te l'ai dit, Bronski Beat en reprise, ça marche pas du tout. Mais ce morceau, précisément, moi j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur. Bah, tu vois, tu parles de Bronski Beat, c'est un des épisodes de mon podcast où Bronski Beat, la chanson Small Town Boy, est reprise par Paradise Lost, justement un groupe de metal gothique. À l'occasion, t'écouteras, tu me diras ce que t'en penses. Avec grand plaisir. On passe donc à ton deuxième choix. Alors là, on est en quelle année, Maxime ? Alors, sans transition, on est en 86 et je vais parler de la chanson Teardrop. Alors, attention, Teardrop, la chanson de Womack & Womack, à pas confondre avec la chanson de Massive Attack des années 90. Et alors, la chanson de base, c'est une petite Madeleine de Proust pour moi, dans le sens où mes parents l'avaient en 45 tours, donc ça ne nous rajeunit pas. À la base, c'est pas forcément ma came, ce type de morceau, puisque c'est très disco, très disco-funk des années 80. Mais je pense que là aussi, le nom de la chanson parle pas forcément, mais quand on va lancer les 2-3 premières secondes, je pense que ça va parler à tout le monde. Ton avis sur l'original déjà ? Bah, comme toi, je suis pas un fan absolu, mais quand tu m'as proposé la liste, petite Madeleine, je pense que c'est le truc des charts de cette période-là. Ouais. Je te cache pas que c'est un morceau que j'avais pas spécialement réécouté depuis, mais je m'en souvenais parfaitement et ça groove juste ce qu'il faut. Enfin, c'est peut-être un poil trop formaté. C'est un peu vieilli, hein. Oui. C'est peut-être un ch'touille daté. Peut-être que la reprise que tu as proposée me parle plus. Alors pour la reprise, alors déjà, je rassure tout le monde, je ne vais pas parler de l'affreuse reprise en français dans les années 90 hein, de Tribal Jam. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Mais c'était, pas du tout, non. C'est vrai, tu ne te souviens pas, bah, tu taperas Tribal Jam Teardrops, c'est assez affreux. Donc je ne vais pas parler de ça du tout. Non, moi je vais du coup t'emmener vers un groupe anglais qui s'appelle ZXX, avec deux X tout simplement. Mm-hmm. Et là encore, bah, un petit peu comme tout à l'heure avec Depeche Mode, ils prennent un morceau qui est à la base pas du tout dans leur univers, c'est-à-dire que à la base on est sur de la soul funk, on va dire. ZXX, c'est un groupe, alors c'est assez difficile à décrire, on va dire que c'est de l'électro-rock avec une basse bien présente, quelques petites boîtes à rythme. C'est de la musique assez froide, alors ils s'inspirent de Cure, ils s'inspirent de Depeche Mode, de krautrock, de pas mal de choses. Et voilà, ils prennent une version, ils en font quelque chose de complètement différent, ils ralentissent le rythme, ils gardent la mélodie, ce qui fait qu'on reconnaît l'original tout de suite, et ça apporte une vraie personnalité, une vraie personnalité différente au morceau. Et du coup, on va écouter ça. Je conseille à tout le monde de l'écouter au casque, parce que la présence de la basse, elle est super importante sur ce groupe-là. Et on est en quelle année, Maxime ? Et on est en 2009. Surprise Maxime, parce que comme tu l'as dit, je suis assez d'accord, le titre d'origine est un petit peu daté. C'est un titre propre, mais un titre de son temps. Oui. Et là, cette reprise là que tu nous as proposée de 2009, j'ai eu un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Ah, c'est génial. Je pense que même je la préfère au titre d'origine. Ah bah moi, ça fait partie dans les choix des morceaux que je préfère à l'original, clairement. Ok, donc très très bon choix. Et le groupe, d'une manière générale, c'est des bonnes prods, parce que je te cache pas que je connais pas du tout. Alors le groupe, ils ont sorti 3 albums. Alors les deux premiers qui datent de 2009 et 2012. Alors le premier s'appelle, je crois, ZXX. Le deuxième s'appelle Coexist. C'est deux albums à avoir, à écouter, c'est du bon son de A à Z. Et c'est de la reprise ou c'est juste non, ce morceau ? Non, c'est pas du tout des reprises. Là, la reprise, elle est sortie sur Sur un album d'inédit que j'ai chopé un peu à l'époque où je téléchargeais un peu. Mais les deux premiers albums, franchement, ils sont excellents. C'est à la fois un peu dansant, très, très légèrement, mais avec, ouais, avec beaucoup de personnalité. Alors, le troisième album était clairement axé pour les dance floor, j'ai pas du tout accroché. Mais voilà, moi je les ai vus en plus en live à Lyon aux Nuits de Fourvière. C'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un quatrième album qui ne devrait pas tarder à venir. D'accord, donc du très très lourd. Du très très bon, ouais. Bah, j'en ai déjà parlé aussi dans le podcast, mais ouais, c'est un groupe que j'aime beaucoup, ouais, ZXX. Pour ton deuxième choix, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, je t'ai dit que j'étais très branché métal. Je vais te parler de Rhythmix et tu dis, mais quel est le rapport ? Donc, évidemment, le titre que j'ai retenu. C'est Sweet Dreams et nous sommes en 1983. Alors, il faut savoir que c'est une chanson écrite et composée, interprétée par le duo britannique Eurythmics, un groupe que j'adore d'amour des années 80. C'est le quatrième extrait de leur second album et c'est surtout le premier succès et la chanson la plus connue du groupe. Elle est quand même arrivée jusqu'à la première position des charts américains et deuxième dans les charts anglais. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que le titre a été classé 365e des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Alors là, je te disais, je suis très branché métal. On est en 1994 et un certain Marilyn Manson nous fait une certaine reprise. Et pas mal. Là, je le tiens bien. Alors, Marilyn Manson, je suis pas un grand fan, mais 1994, on était au sommet de ce qu'il pouvait proposer. Après, ça s'est un peu éparpillé, je suis moins client. Évidemment, la meilleure reprise au monde, c'est celle de Sylvie Vartan qui nous chante une déprime. Je l'attendais, toi. Quand j'avais découvert à l'époque, parce que j'étais déjà branché métal en 94, cette reprise de Marilyn Manson qui revisite totalement en s'appropriant, c'est ça que le mot que je cherchais, okay, ouais. Complètement le titre. Ah, j'aime beaucoup. Bon, évidemment, je préfère le titre d'origine, mais j'adore cette version. Alors, évidemment, je suis très curieux d'avoir ton opinion. Alors déjà, sur l'original, oui, à la base, la chanson de Rhythmix, j'aime beaucoup. Après, ça fait partie de ces chansons qui ont beaucoup souffert du fait qu'on les a trop entendues tout le temps, ouais. Que ce soit à la radio, au mariage de Tonton Régis ou autre. C'est le passage incontournable et je trouve que voilà, on est un peu saoulé entre guillemets de cette chanson-là, même si, Eurythmics, c'est un groupe qui est important sur les années 80, même si, bon, moi, c'est pas trop ma cam. Sur la reprise, alors je vais être plus nuancé que toi, dans le sens où, alors moi, Marilyn Manson, j'aime beaucoup ce qu'il a fait à certaines périodes. mais comment dire, je trouve que pour le coup sa reprise elle est super caricaturale et il en a fait 10 des comme ça derrière. Alors celle-ci il a paraît, l'avantage ouais, d'être la première, donc on va lui laisser ce crédit là. Mais après il a repris des Tainted Love, des Personal Jesus, exactement sur le même schéma. Alors ce que, par contre, si j'aime beaucoup le petit riff d'intro un peu cracra à la guitare, et ça marche super bien, mais je trouve que sur le long terme, enfin en tout cas moi ça m'est passé un peu au-dessus, alors qu'il y a des choses de Marilyn Manson que j'aime beaucoup, pas sur les reprises, hein, il y a certains de ses albums moi, que j'adore, l'album Hollywood, je crois qu'il date de 98 ou 99, il est vraiment tip-top, mais ses reprises, alors celle-ci c'est la première, donc voilà, mais après c'est un peu le Michael Bolton des années 90 du métal, non mais enfin vraiment, hein. Et puis c'est assez facile, hein. Tu prends Tainted Love, ok je mets des gros riffs métal, je hurle un petit peu au niveau du refrain, je trouve que c'est un peu facile, même si celle-ci c'est, bon c'est la première. C'est vrai que les autres morceaux font moins sincères ou spontanés. Complètement, complètement. Parce qu'il s'est dit, oh ça a fonctionné, tu sens qu'il y a un but commercial derrière. Bah, il a trouvé le filon, la bonne recette, et il l'a un peu usé. Il a un peu abusé après. Ouais. Et c'est pour cela que j'ai volontairement retenu celle-ci et pas une autre. Et okay. Pas, enfin, en tout cas, moi, perso, ce morceau, c'est un morceau que j'aime bien me mettre comme ça pour me foutre la patate. Oui, oui, ça fonctionne. Après, ça, on va dire que c'est assez limite. Mais... Ok, donc là, on enchaîne sur ton choix suivant. Quel groupe et sur quelle année Alors, Maxime, attention, là, je tolérerai presque aucune critique. C'est un de mes groupes préférés. En 87, Les Cure, forcément. Mm-hmm. La chanson, je pense que tout le monde la connaît aussi. Ça a été, je crois, le générique des Enfants du Rock. C'est Just Like Heaven, qui date donc de 87. Show me, show me, show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. And threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Donc ouais, moi c'est une chanson que j'aime beaucoup. Alors j'aime énormément de choses chez Cure. La musique dans les années 80, c'était quand même pas toujours ça, et je trouve que c'est un des rares groupes à avoir su tirer leur épingle du jeu. Et ouais, c'est mon groupe préféré des années 80, très clairement, ah oui, de très très loin. Même si j'ai mis un peu de temps à mieux connaître les Cure, parce que de prime abord, ça peut être un groupe à single, celui-ci, Close to Me, ce genre de truc. Alors que quand tu grattes, il y a énormément de choses sur des albums peut-être moins commerciaux, moins convenus. Mais cette chanson-là, déjà l'original, je l'aime beaucoup. Je sais pas, ce que c'est un truc qui te parle, toi, les Cure, t'as aimé? Alors oui, évidemment que ça me parle, mais comme tu dis, moi j'avais un peu le sentiment que c'était un groupe à single. Et j'aime bien, mais malheureusement, je suis pas expert et je suis pas non plus un grand fan. Mais j'espère que dans les reprises, tu vas nous évoquer la reprise de La Zoubida quand même par The Cure. Alors, Didier Bourdon fait très bien Robert Smith déjà. Ah, mais c'est clair. Franchement, il est énorme. Zoubida. Physiquement, il lui ressemble encore plus maintenant parce que les deux ont quand même pris quelques kilos, hein, on va dire. C'est, mais c'est, ouais, il est bluffant, Didier Bourdon. Ah oui, et le bidet. Et quel est le groupe que t'as retenu? Alors déjà, c'est compliqué de trouver des très bonnes reprises des Cure. Alors moi, en tant que fan, je suis encore un peu plus difficile. Mais là, c'est une reprise qui est connue. C'est Cathy Melua qui a repris le titre en 2005 sur son deuxième album. Alors déjà, moi j'aime beaucoup Cathy Melua. Pourquoi? Alors c'est assez simple, elle a une voix qui me parle. Ah oui. Et elle est arrivée à un moment, donc début des années 2000, elle est arrivée un peu au moment qui est les Norah Jones, etc. Je sais pas si tu écoutais bien Norah sûr, Jones. Bien sûr. Ouais. Alors on n'est pas tout à fait sur le même. Je préfère Cathy Melua. Tu préfères Cathy Melua. On n'est pas tout à fait sur le même genre. Norah Jones, c'était beaucoup plus jazz. Mais Cathy Melua, en plus, j'aime bien son histoire. Hein. Elle est, à la base, elle est géorgienne. Elle a fui avec ses parents Tbilissi et à la chute du bloc communiste. Elle s'est donc maintenant la naturalisation anglaise, britannique. Mm-hmm. Et du coup, la chanson, la reprise, elle est vraiment parfaite dans le sens où tout ce qui peut dépasser un peu des années 80, les gros claviers, même chez The Cure, hein, il y avait beaucoup de synthé. Elle enlève tout, elle prend juste une petite guitare sèche, quelques petits arrangements. C'est d'une douceur limpide. Et moi, dès le tout premier riff, la première mesure de guitare acoustique, clairement, ça m'embarque tout de suite. Et j'ai assez hâte d'avoir ton avis là-dessus. Donc on l'écoute et puis tu me dis ce que t'en penses. And threw his arms around my neck. Show me how you do it, and I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Quand tu m'as proposé donc une cover de The Cure, je fais oula, sujet casse-gueule, direct. Oui, il y a à prendre et à laisser, clairement. Alors tout simplement, c'est un grand oui. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Enfin, encore une fois, voilà, c'est ça en fait que je cherche depuis le début d'émission. C'est quand un groupe ou un artiste s'approprie le morceau et que t'as presque l'impression d'oublier le morceau original. Oui, complètement. Et là, c'est complètement ça. T'oublies l'original, mais en même temps, je veux dire, ça rend hommage fidèlement au Cure, je trouve, parce que tu la reconnais, la chanson. Oui, mais elle se l'est appropriée. Oui. Voilà, c'est ça le terme. Quand tu parlais un petit peu de Marilyn Manson, tu vois, bon, là, à part peut-être la première, les autres, c'est pas une appropriation. Enfin, ou alors elle est maladroite. Oui. Là, oui. Clairement, elle a repris un peu les partitions, tout ça, mais le morceau lui appartient totalement. Ouais, ça fonctionne. Sur cette reprise, en tout cas. Donc. Grand, grand, grand, grand oui. Bon, super. Alors après, faut se pencher hein, sur les disques de Cathy Melua. Alors, on est loin du rock, on est loin du métal pour le coup. Hein. C'est à chaque fois très folk, très, très pop par moment. Mais là, je crois qu'elle a sorti plus de 10 albums. Elle a beaucoup d'albums live où elle a fait beaucoup d'autres reprises. Elle a repris Jeff Buckley, elle a repris les Beatles. Franchement, c'est un truc qu'il faut que je me penche un peu plus. Bon, toi, ton troisième choix ? Alors là, on est sur l'année 1983. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est Tolto qui nous chante It's My Life. En fait, pour parler un petit peu du groupe, il faut savoir que la chanson deviendra l'une des plus populaires du groupe, atteignant notamment la 7e place en Italie et en rentrant dans le top 40 de nombreux pays, notamment les États-Unis, où elle deviendra même numéro 1 dans le Billboard. Cependant, et paradoxalement, la chanson connaît un succès moindre dans son pays d'origine, à savoir le Royaume-Uni. N'y atteignant que la 46e place. Alors j'ai voulu un peu en parler parce que la chanson sera rééditée plusieurs fois, d'abord une fois en 85, toujours sans succès. Une deuxième réédition intervient donc en 90, et là, dans le but de promouvoir leur compilation, et là, succès. Va comprendre Charles, comme dirait l'autre. Je ne suis pas un grand fan du groupe, mais c'est un groupe qui, je trouve, compte dans les années 80, qui a une bonne musicalité. Je suis pas un grand expert parce qu'il y a des groupes bien plus importants, mais Talk Talk, ça fait partie peut-être du top 10 des groupes emblématiques des années 80. Okay. Concernant la reprise, alors là on est dans une vraie réappropriation. On est en 2003 et c'est No Doubt qui nous fait une reprise façon No Doubt. Maxime, dis-moi. Alors, quid de l'original et de cette reprise ? Alors, l'original, bon, que je connaissais comme tout le monde sur cette planète, je pense. Alors après, je trouve qu'elle souffre aussi du syndrome Sweet Dreams, dans le sens où on l'a beaucoup, beaucoup écouté, beaucoup entendu, même si ça reste une très bonne chanson. Mm. Alors, je suis pas expert non plus de Talk Talk. Je crois qu'ils ont vraiment sorti des vrais bons albums, mais honnêtement, je connais pas plus que ça. Après, ouais, l'original, il y a tous les défauts, je trouve, des années 80, les gros synthés, la voix qui est très en avant, et puis il a une façon de chanter un peu maniérée aussi, la prod un peu pompeuse, mais franchement, ça fonctionne. Alors là, la reprise, je la connaissais, parce que j'ai beaucoup écouté No Doubt, surtout à leur sortie, l'album Tragic Kingdom, moi je l'avais beaucoup, beaucoup écouté. Après, ouais, j'aime assez ce qu'ils en ont fait, puisque pareil, tu reconnais l'original, mais forcément, ça sonne plus moderne. Et puis, voilà, Gwen Stefani, elle a beaucoup de charisme dans la voix, ouais, beaucoup de personnalité. Ouais. Et puis, enfin, ouais, moi j'ai toujours aimé cette nana, une sorte de Cyndi Lauper un peu survitaminée. Exactement. Mais, ouais. Voilà, ça amène un côté très pop, très flashy. Ouais, d'ailleurs, No Doubt, ils sont plutôt bons en reprise. Ils ont repris Police, et surtout, moi, alors rien à voir, mais ils avaient repris la chanson Common Aileen des d'Excess Midnight Runner. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Alors, c'est pareil, quand tu écouteras la chanson, tu te diras, mais oui, bien sûr. Et ouais, je trouve qu'ils sont plutôt très très bons dans la reprise, No Doubt. Donc tu valides la reprise, en fait. Ah ouais, je valide complètement. Et une chanson que je connaissais tout comme toi, et je me demande même si je la préfère pas à l'original. Ouais, elle sonne un peu plus moderne. Il y a moins les défauts des années 80, je suis d'accord. Alors là, on a fait donc un joli tour des reprises que Maxime et moi aimons. Pour l'instant, on est assez raccord, on n'a pas eu de désaccord, c'est plutôt agréable. Alors, il y a eu matière à raconter plusieurs choses. On ne s'interdit pas de faire un truc en basculant, pourquoi pas, dans des reprises ayant pour origine les années 90. Parce que ouais, il y aurait à dire aussi. Ouais. Nouvelle ligne éditoriale oblige. Néanmoins, chez Décennies, on aime bien toujours garder sous le coude ce qu'on appelle la reprise ultime. Alors ça, c'était un choix extrêmement difficile me concernant. Quelle est, selon toi, la reprise vraiment qui enterre tout, ayant pour origine les 80s ? Alors, la reprise qui enterre tout, la reprise ultime, vraiment le truc énorme, c'est sans doute une de mes plus grosses claques musicales de ces deux, trois dernières années, puisque j'ai découvert cette reprise il y a quelques mois. C'est récent en plus. Hein. La reprise est toute récente, elle date de 2019 et elle reprend une chanson de Crowded House dont le titre est Don't Dream It's Over, qui est une chanson de 1986, qui est un super titre de pop assez bien foutu et pour le coup qui sonne pas trop années 80, il n'y a pas ces défauts-là. Alors c'est une chanson, l'original, moi que j'avais déjà entendu, mais je savais pas que c'était Crowded House qui l'a chanté. Je croyais que c'était Paul Young, pour te dire. Donc, oui, pareil, oui. C'est en faisant un épisode de mon podcast que j'ai découvert que c'était pas Paul Young, que c'était Crowded House. L'original est très sympa, mais la reprise, donc qui date de 2019 par un groupe qui est pas très connu, c'est un groupe qui s'appelle Island, donc Island, I-S-L-A-N-D, mm-hmm. qui est un groupe anglais. Et alors, en fait, je les connaissais avant la reprise, c'est-à-dire que j'avais découvert leur album qui date de l'année d'avant. L'album s'appelle Feels Like Air. C'est l'album que j'ai le plus écouté, je pense, l'année dernière. Et bah, je pouvais pas trop en parler dans le podcast parce qu'il n'y avait pas de reprise. Et boum, un jour sur Spotify, je vois popper reprise Don't Dream It's Over par Island. Et là, j'écoute. Et là, j'ai tout arrêté. Je dis, oula, faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus. Direct. Et c'est un de ceux qui a le mieux fonctionné. J'ai eu énormément de retours là-dessus. Ils prennent la chanson, qui est une chanson de pop des années 80, et ils l'arrangent à leur sauce. Alors, c'est assez fidèle à ce qu'ils jouent sur leur album avec leur compo. Donc, c'est quelque chose de très aérien, très léger, avec une voix, alors, toute proportion gardée. Moi, je trouve qu'il a une voix un peu de, comme celle du chanteur d'Oasis, en plus éraillée et puis en moins tête de con, hein, si je puis dire, faut être honnête, par rapport à Oasis. Avec des guitares un peu à la Falls, un peu javelisées, avec une espèce d'esprit un peu atmosphérique. C'est assez difficile à décrire. On va la passer, et pour le coup, je suis assez curieux de savoir ce que t'en as pensé. Alors du coup, ce que je te propose, c'est que je fasse un petit medley, parce que t'as fait les deux titres, enfin t'as fait le comparo des deux titres. Okay. Donc on s'écoute le medley de Don't Dream It's Over par Crowded House versus Island. Comme toi, un grand oui. Alors, hein, c'est extraordinaire. C'est du lourd, quoi. En fait, quand tu les compares, tu dis, putain, l'original est daté, quoi. Enfin, c'est dans son jus. Et belle reprise. Hein, à part te dire que c'est un grand oui, je vais creuser parce que ça m'a bien intrigué. Franchement, je connais pas du tout le groupe. Et tu vois, c'est des fois quand t'écoutes une chanson et que tu l'as dans la tête, mais jour et nuit, et ben moi, ça m'a fait ça avec Island. Mais pour le coup, c'était pas tu l'as dans la tête et ça t'énerve, c'est tu l'as dans la tête et t'as envie de l'écouter. Et toi, alors là, il va falloir du répondant hein, pour faire face à ça. Alors là, c'était à la limite l'excuse pour faire cette émission. Je me suis dit, mais Maxime, tu vas en parler un jour. Et en fait, en remontant ton fil des émissions, clairement, c'était un de tes premiers numéros. Oui. Je vais vous parler de I Will Survive. Alors moi, j'ai marqué 1980. Je pense que je gruge un peu. T'es un gros tricheur. Parce que je pense qu'on est en 78, mais je m'en fiche. Maintenant, on s'appelle Décennies, on fait ce qu'on veut. Ouais, évidemment, marche. Chanté par Gloria Gaynor. Et la reprise que je vais vous proposer, c'est juste la meilleure reprise au monde. Donc, ton Island, tu peux le ranger. C'est évidemment le groupe Cake en 1996. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd grumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you. side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I. Ah, Maxime. Je vais évidemment pas te faire l'affront de parler de la version Coupe du Monde, hein, parce que non, ça, non, c'est, ma, c'est on voilà. Déjà donné. D'ailleurs, mes camarades de Décennies en ont largement parlé dans le dernier podcast sur le sport dédié dans les 90s. Donc, évidemment, dans le cadre de 80s, le podcast, on en avait déjà parlé parce qu'on avait Régine qui nous chantait Je survivrai, et qui oui. est quand même chère à mon cœur. Malheureusement, on s'en souvient. Parce que d'abord, j'ai eu peur, j'étais pétrifié. 96, cake, hein, le CD il arrive dans mes mains, je sais pas pourquoi, Fashion Nugget, cette jaquette jaune, et là coup de cœur. Ça fait depuis 96 que je l'écoute en boucle, et ça enterre Gloria Gaynor, mais de... et pourtant on est sur du très très lourd en disco. Hein. Tout est là, tu l'as bien dit dans ton émission, la plupart des instruments sont remplacés par des cuivres, c'est du lourd. Il y a différentes reprises aussi, il y a Perhaps qui est une reprise ouais. aussi. Ouais, ils ont fait War Pigs de Black Sabbath, ils ont pris du Frank Sinatra, enfin, c'est un groupe qui est extraordinaire, hein, cake. À part te dire que c'était l'excuse pour faire cette émission, l'excuse est là parce que j'avais envie de parler de cake. Bah, il n'y a pas grand chose à rajouter. Moi, c'est le premier épisode de mon podcast. Si ce n'est de dire que tu as triché, puisque oui, effectivement, Gloria Gaynor, c'est 78. Mais oui, oui, la reprise, c'est une des reprises que je préfère aussi. Et puis le groupe, je réécoute très très souvent. Fashion Nugget, c'est un de mes disques de chevet, si je puis dire. Et pour le coup, qui n'a pas vieilli. Ouais. Bon, alors là, bon, quand même, dans les ultimes, hein, on a quand même deux très très beaux morceaux que nous avons retenus, Maxime et moi. Néanmoins, actualité oblige, j'avais envie de faire un petit éclairage, si éclairage il y a, sur notre ami Bernard Minet, parce que ça, savais-tu, bah, évidemment que tu le sais, Maxime, on en a parlé, mais que notre ami Bernard vient de sortir un album de cover, donc on est dans le sujet, mais métal, de générique, de dessin animé. Et j'avais envie de te dire, moi, pourquoi pas, parce qu'il y avait matière peut-être à faire quelque chose. Et on va s'écouter, avant d'en débattre, toi et moi, le petit medley officiel proposé pour la sortie de l'album. Coldorado, rétro laser en action. Coldorado, moitié homme, moitié robot, le plus valeur. Man, capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Les chevaliers du Zodiac s'en vont toujours à l'attaque. Ken, dans le chaos les esprits. Ken, contre les fous les bandits. Ken. Alors là, que dire, Maxime? Que dire? Alors. Moi, j'ai envie de dire, Mikado, pourquoi tu nous fais ça, là, comme ça? On a écouté de la bonne musique. Bernard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est épouvantable. Alors, honnêtement, j'ai vraiment, vraiment eu du mal à tout écouter. Hein. Je me suis fait violence parce que je suis quelqu'un qui essaye d'être sérieux. Mais rien n'est bon. Ah, il n'y a rien à sauver, non. Et pourtant, il y avait matière. Parce que tu dis, pourquoi pas? Tu sais, Bernard Minet, bon, je ne trouve pas que ce soit un grand chanteur, mais il connaît un peu le métier parce qu'il est batteur. Tu dis, et là, il chante du Bernard Minet, tu sais, c'est comme si tu avais pris juste la piste voix et que tu mettais une musique... Ah, puis j'ai pas l'impression qu'il y ait de vrais instruments, alors j'ai pas tout écouté, hein. Je pense que j'en ai même écouté moins que toi, parce que j'ai vraiment souffert, mais j'ai l'impression que c'est tout du chiquet, que c'est vraiment tout de la boîte à rythme, et puis de la mauvaise boîte à rythme, hein, en l'occurrence. Et puis ça colle pas, les voix, enfin, tu sais, la voix colle pas, tu sens que c'est, tu sais, il y a pas d'harmonie du tout, franchement, comme on dit dans le jargon, on dirait que c'est du clavier bon. bon, tant pis, quoi. Bah voilà, c'était pour dire que c'était épouvantable. L'émission arrive à sa fin. Encore une fois, Maxime, merci de m'avoir accompagné sur ce numéro. Merci à toi. Franchement, encore une fois, au nom de l'équipe, nous, on apprécie quand on a des gens qui acceptent de venir parler sur nos antennes. Où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast et si on a envie d'échanger avec toi sur notamment les réseaux sociaux? Alors, pour le podcast, c'est assez simple. Dans toutes les applis, vous tapez Harry Cover. Alors, oui, c'est un jeu de mots un peu discutable, je suis bien d'accord. Mais on tape Harry Cover et normalement, le podcast des meilleures reprises, ça ressort. En plus, quand tu tapes Harry Cover sur Internet, tu trouves des covers de Harry Potter quand même. Hein. Enfin, ouais, il y a un peu de tout. Du référencement Google, on est bien là. C'est ça. Et après, je suis pas mal sur Twitter, donc il faut que je me souvienne de l'adresse. C'est HC en majuscule Over Podcast. Et voilà, il y a un compte Instagram aussi où je reprends quelques visuels des groupes que j'évoque. Mais voilà, je suis surtout présent sur Twitter. Très bien. Pour se quitter, je te disais à l'instant que le genre se prêtait pas du tout, donc le genre dessin animé aux reprises métal. Néanmoins, je sais pas si tu as vu le temps de jeter une oreille et peut-être même un œil. Je te conseille l'excellente chaîne de Frog Leap Studios qui s'est spécialisée dans les reprises en tout genre. Donc on est complètement dans le sujet. Le gars est bon en tout. Il sait chanter, il sait faire tous les instruments, il filme bien, enfin voilà. Et la reprise que je vais te proposer, c'est une cover du générique de Pokémon chantée par Frog Leap Studios. Et là, j'ai envie de te dire, c'est pas la même musique. À bientôt les amis, encore merci Maxime. Merci à toi, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Challenge along the way, with courage I will face.